ou autre parmi les mauvaises intentions. Si jamais on a décelé cela du questionnaire, parce que tu as des gens qui décèlent cela, ils veulent la fitna, ils veulent faire des problèmes. Ils veulent pas l'ilm. Ils veulent pas l'ilm. Lui, vu juste en posant sa question, il a un mauvais cause. Donc si le mufti sent cela de lui, il répond pas. Des fois, tu as des gens, ils veulent quelque chose. Par exemple, je sais pas, moi, t'en as un, il a fait la hijra, et khalas, il veut rentrer en pays de Kouf. Il cherche une façon de se justifier. Il voit un mufti, il va dire, yashir, indi kaza wa kaza, shir, kon, isbir, patiente. Non, la kin shir, indi kaza wa kaza wa kaza, isbir. Non, mais shir aussi, il faut que tu saches que kaza, kaza, kaza, shir, toi, tu veux rentrer, toi, en fait. Tu veux que je te dise, yajouz lak. À ce moment-là, le shir, qu'est-ce qu'il va faire? Shir, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Lui, c'est pas, il voulait que tu rentres. Mais il voyait que c'est ce que tu voulais. Et quoi qu'il dise, il sait que tu vas rentrer, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une nasiha. Au moins, il minimise les dégâts. Il a dit, qu'est-ce que t'as à faire? Il t'a qu'il a fait une nasiha dans le sens, si tu rentres là-bas, accroche-toi au djinn, à kaza, fais attention à ma rassi. Et les gens disent, khalas, shir, il m'a dit, je peux rentrer. Non, il t'a pas dit que tu peux rentrer. Mais il a vu que tu voulais rentrer. Et il a, comme il a pas voulu te mettre, dans le dick, il t'a laissé une parole pour te faire comprendre que fais ce que t'as à faire. Mais si jamais tu le fais, alors au minimum, fais kaza et kaza et kaza et kaza. Que des gens disent, shir, t'es autorisé. Ouais, mais comment tu poses la question? Et même si shir est autorisé, il faut savoir une chose, hein, shir t'autorise. Ça veut pas dire que c'est juste ce que t'as fait. Le shir en lui-même, c'est pas lui le shari'a. Le shari'a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La législation. C'est pas le alim qui l'a fait. Le alim, lui, te donne le hukm shari'i. Le hukm, c'est pas lui qui l'a décrété. Parce que des gens, ils ont pris des fatwas, c'était quoi? C'était comme des adillah. C'est bon, j'ai une fatwa, je peux faire ça. La fatwa, elle est fausse. Non, mais j'ai une fatwa, shir, il m'a dit, je peux faire ça. On dit, mais la fatwa, khalif adillah. Lui, il croit, comme il a une fatwa, comme les chrétiens avec leur prêtre. Quand il a dit, vas-y, mon fils, tu peux faire telle chose, khalas. J'ai la bénédiction du prêtre, je peux faire telle chose. Pour eux, c'est comme si, dans leur version eux, Dieu a dit que le prêtre peut décider pour vous ce que vous avez à faire. Si le prêtre vous dit oui, c'est oui. Si vous dit non, c'est non. Nous, l'islam, non. Fahimt? Ittabi'u, non zilalikum ni rabbikum, wala tattabi'u min duni awliya, qalil ma tazakkaroun. Suivez si vous descendez de votre Seigneur. Et le alim, lui, c'est quoi? Il est un intermédiaire pour que tu saches ce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas compris, le hukm qui a été établi sur cette mas'ala. C'est tout. Mais lui, il n'a pas de pouvoir de dire halal, haram de lui-même. Là. Et ça, c'est très fréquent à cette époque. Beaucoup de gens avec leur ulama. Où ils cherchent le alim le plus souple pour avoir la réponse qu'ils veulent. On dit, j'aime pas chaque fois. Pourquoi? Il est trop dur. Il est pas trop dur, c'est qu'il dit la vérité. J'aime trop Cheikh Foulel. Pourquoi? Ah, parce que il est trop souple. Il est trop souple, il est trop laxiste. Parce qu'ils te disent ce que tu veux entendre. Et ça, c'est énormément, tu vois, des gens comme ça. Des gens, ce sont pas des ulama, mais comme ils savent que, ils vont tout le temps dire oui, oui, oui, oui, ils vont les voir. Et d'autres, c'est des ulama, mais comme ça, ils vont te dire non, maya juz, ils vont pas les voir. Ils fuient le haq. Donc, il faut qu'il y ait une bonne niya, lorsqu'il pose la question. Fani, ala yastafti illa man ya'lam ou yaghlib ala dhanni annahu il fatwa, qui ne questionne que les gens qu'ils voient comme étant ou qu'ils pensent comme étant des gens de la fatwa. Ils ne demandent pas n'importe qui. En France, on a ce fixe de je ne sais pas pourquoi que l'imam forcément du masjid, il faut poser des questions à l'imam du masjid. C'est lui l'alim. On dit, mais alzam, un imam c'est un imam. C'est pour ça que c'est un gros jahil, il connaît le Coran, il sait c'était le Coran, et on l'a peut-être, mais, ça ne va même pas rester, mais dans nos quartiers, celui qui connaît le mieux. Et le reste, il connaît rien du tout. Aqida, sif, zéro. Fiqh, sif, zéro. Nahou, sif. Les gens vont dire, ouais, j'ai un problème. On va l'imam, on va demander à l'imam. Mais l'imam, c'est qui l'imam? Parce que derrière lui, des gens qui sont alam minhou. Juste lui, c'est l'imam. Il a été payé, son poste, c'est de faire le président de la salat. C'est tout. Et tout derrière lui, il est tout le lab. Ou des gens qui ont étudié, Et ils sont venus de passage comme ça, où ils habitent là, mais c'est pas eux l'imam. C'est pas le, frère Talib Urim, il vient dans un masjid, khalas, il prend la place de l'imam. Là, il y a le zamada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regardait, comme on a appris ici, il gardait aux gens leur statut. Quand il y a mis l'islam en place, maintenant, les gens qui avaient les clés de la Kaaba, il leur a laissé à eux. Pourtant, il y avait, atkom minhum, il y avait, mais comme ça a toujours été chez eux, de génération en génération, pas faire de fitna, les gens leur ont laissé leur statut. Arabia. أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلى وقت فهم أجواب تماما. Qu'il écoute bien ce que le mufti lui dit comme réponse et qu'il ne parte pas tant qu'il n'a pas bien compris ce qu'il lui a dit. Pour ne pas après partir et aller déformer ce que le mufti lui a dit. il va voir Shir, un tel, et il dit Souel. Le Shir dit Tafadol. Il le questionne. Le Shir, il a dit Fahimta, non, Fahimta. Après, il s'en va, en fait, il n'a pas compris. Ou il parle pas bien arabe, Mathalen. Ou le Shir pose des termes qu'il ne connaît pas, Mathalen. Donc, à ce moment-là, le Shir, Afouen. Shir, je voudrais bien comprendre. Donc, ça veut dire ça et ça et ça. Le Shir va dire non, c'est ça. C'est comme ça, non. Après, il s'en va. Pour avoir sa réponse comme il faut voir. Ça a déjà fait des dégâts, ça. Les gens posent des questions à des machaires. Ils n'ont pas compris la réponse de Shir. Et après, ils propagent. Et les gens, ils prennent cette parole propagée, traduite, ou je ne sais quoi. Et après, ils appliquent. Et après, ils disent, Shir Fulan Yufti Bihada. Ah bon? Ou, regarde là, telle fois toi. Ou, dans tel site. Tout le site, déjà, c'est écrit en français et tout. Donne-moi la réponse en arabe. Tu vois, en arabe, je dis, c'est pas ça que Shir, il dit. Le Shir, il dit ça, ça, ça, ça. Ah, dit, ah bon? Mais dans le site, il dit ça. Dans le site, c'est qui? Quand des gens aujourd'hui font des sites, ils parlent pas l'arabe ou très mal, ils ont pas fait la belle rime, les stylahats, ils les comprennent pas, ils traduisent, allez, traduction Google. Ils prennent Google, traduction Google, tu vois des catastrophes. Et des gens, ils retournent vers ces gens-là après. Dès que t'as une mas'ala, ils t'envoient un lien, site Foulen. Lien, site Foulen. Il fait un nikash ilmi avec quelqu'un, il y a un khilef, le site Foulen direct. Il y a khilef. Oui, mais dans le site Foulen, il dit ça et ça et ça. Je dis, khalas. Barakallahu fik. On arrête là, c'est mieux.